Levis Music. L'antidote, la famille. Message de paix, Musulman, pas terroriste. Vivre ensemble, black, blanc, peur, La religion ne tue personne, Elle nous unit. Nous parle d'islam, oublie que cela signifie la paix. On combat le mal par la foi et non par des missiles largués. Ils rêvent de nous diviser, ils y arrivent, t'es mal le carnage. L'islam envoie de l'amour, il n'envoie pas des balles de calage. Comment mettre fin à la rage qui nous envahit tous les jours, les fachos armés sur Facebook, de commentaires pleins d'amalgames. Au nom du monde, j'appelle à l'aide, je tue la haine, retiens mes cris. Quand le terroriste devient star, le musulman devient l'ennemi. Je souhaite la paix à tout chrétien, à tout athée, à n'importe quel homme dans ce monde, tant qu'il militera pour la paix. Et il prétend faire ça pour Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. C'est pour ça qu'on le prie à genoux. Alors nous sommes lassés de voir des barbares assoiffés de gloire parler pour nous, tuer pour nous, nous qui sommes juste armés de foi. Donc unissons nos cœurs pour que la paix redevienne reine, pour que l'amour redevienne roi, que nous n'ayons plus jamais peur. Car au final je suis comme vous, j'ai le cœur fracturé à vie. C'est la bêtise, c'est pas les musulmans qui ont tué Charlie. Parce que l'amalgame c'est l'erreur, parce que la bataille c'est demain, parce que la boulangère a peur quand je viens pour acheter le pain. Soyons acteurs de nos vies, où l'homme subit, où l'homme agit. Une grosse pensée pour les familles, vous êtes Charlie, nous sommes Sally, où l'homme subit, où l'homme agit. Une grosse pensée pour les familles, vous êtes Charlie, nous sommes Sally, apprenons à vivre ensemble, amour et paix pour toute la France, black, blanc, beurre. Quand le terroriste devient star, le musulman devient l'ennemi. Les religions ne tuent personne, l'antidote, la famille.